Salut à tous, je suis Grushkov et je suis accompagné aujourd'hui de personne. Installez-vous confortablement dans vos cockpits, je vais vous parler des news Star Wars que nous avons eues en juin 2024. Faut qu'on en parle. Et on commence tout de suite avec une news par rapport au jeu vidéo Star Wars Bounty Hunter qui va avoir un remaster qui va venir sur les nouvelles consoles de cette génération, développé par le studio Aspyr, je sais pas comment il le prononce, qui avait fait par exemple le remake de Star Wars Racers, du jeu de pod racing, et plus récemment malheureusement du jeu qui a fait beaucoup de controverses, les Battlefront originaux, les remakes. Le jeu permettra entre autres de jouer Boba Fett comme personnage additionnel au lieu de uniquement uniquement Django. Le jeu sortira le 1er août 2024. Ce mois-ci, on a eu très très vite fait des news du film sur Rey par Charmin Obaid-Chinoy, qui a parlé du fait que pour elle, la nouvelle génération est au cœur de la nouvelle génération, que ce soit de Star Wars et du public, c'est Rey. Et que du coup, elle a aussi discuté avec JJ, George Lucas, Dave Filoni, Kathleen Kennedy évidemment. Mais voilà, elle est partie demander des conseils un peu dans tous les profils qui ont fait des films Star Wars auparavant, ou en tout cas ont un gros impact sur le Star Wars moderne maintenant. Elle a pas dit grand chose de plus, mais voilà, le film existe toujours. Ensuite, on nous a annoncé la sortie de la saison 2 de Young Jedi Adventures. Et oui, avec en prime des petites images, rien de très folichon, mais voilà, des petites images qui confirment le retour de Lys, Kai et Nobbs, bien évidemment, dans la saison 2, qui sortira très très très vite, le 14 août. Apparemment, cette fois-ci, ils vont voyager vers de nouvelles planètes et vont se combattre de nouveaux ennemis, comme par exemple un groupe de pirates appelé les Ganguls. ce qui suggérerait que les Nile ne vont pas apparaître cette saison, mais bon, peut-être que c'est tant mieux parce que c'est compliqué. Et ce mois-ci, on a eu des trailers, des trailers de gameplay pour Star Wars Outlaws, le jeu d'Ubisoft réalisé par Massive. Pour l'instant, non seulement ça a l'air cool, mais pas mal de journalistes qui ont pu y toucher ont partagé ce sentiment. Le jeu sans évidemment casser trois pattes à un canard, apparemment se tient très très bien, surtout pour une version bêta, apparemment est très solide en termes de gameplay, tout ça, et ça fait plaisir à lire. Et vous savez quoi, d'habitude je suis mon radar de hype, il est rarement foiré, mon radar de hype. Il y a des jeux que j'attendais énormément, et le jour, enfin, plus on s'approchait de la sortie, moins j'étais hypé, et il s'est retrouvé que c'était des fours. Par exemple, Watch Dogs, où j'étais extrêmement hypé à l'annonce, et quand le jeu est sorti, j'en avais plus rien à faire. Beaucoup d'exemples comme ça. Et bah, pour Outlaw, c'est en train de me faire l'inverse. Et c'est très bon signe, je dirais. J'en avais rien à faire, et maintenant, j'ai plutôt hâte. On rappelle que le jeu sort le 30 août. Ça va être un mois assez chargé niveau Star Wars. Et pour finir, une news très très courte. Star Wars Hunters est sorti ce mois-ci. Enfin, je n'y ai pas joué. Les retours que j'en ai vus étaient pas folichons. Et c'est tout pour ce mois-ci. Retrouvez-nous évidemment sur Patreon et on remercie énormément Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien. Et je vous fais de gros bisous et on se dit au mois prochain, pas la semaine prochaine, j'allais dire à la semaine prochaine, on se retrouve le mois prochain pour les news de juillet. Gros bisous.